Et salut à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi ensoleillé. Donc j'étais, si vous m'avez suivi un peu sur Instagram, j'étais en séminaire aujourd'hui, au séminaire de Raphaël Cartini. Donc c'était au Marriott, super. Si vous avez vu, bah, regardez mon compte Instagram, le live. J'ai fait quelques lives, donc super établissement, l'hôtel Marriott. Et j'ai été avec un ami investisseur, Romain, qui bah, lui, il a la spécialité d'être le pro de la location de voitures entre particuliers. Donc il va vous en parler. Donc moi j'ai sur ses conseils, entre autres, ben, j'ai mis en location ma voiture, je suis en train d'en acheter d'autres et ben, c'est un produit qui est assez. Si tu le fais bien, c'est un peu comme l'immobilier au final, si tu le fais, tu suis les étapes une à une, les bonnes étapes, et ben derrière tu t'encaisses du cash quoi. Donc Romain, salut. Salut, je te prends le micro. Yes. Ouais, donc déjà super séminaire de Raphaël Carteni. Merci à lui pour ça. Et donc ouais, bah, donc moi je fais de la location de voitures entre particuliers sur Drivee et Wicar. Et donc pour résumer, c'est le Airbnb de la voiture. Donc c'est des voitures que je mets en location, que j'achète d'occasion et que je mets en location donc sur ces plateformes. Et ça marche du tonnerre. Et surtout, on va dire, toi Damien, tu es plus dans tout ce qui est immobilier. Yes. L'immobilier, ça fonctionne super bien, on va dire, pour les investissements long terme, mais ça met un petit peu de temps à se lancer et tu as des fois des travaux à faire, etc. Et par contre, justement, à l'opposé, la location de voiture, c'est super rapide comme pour se lancer et pour pouvoir faire de l'argent rapidement. Donc c'est un très bon complément par rapport à l'immobilier. Et encore aussi, l'immobilier, je sais que dans les grandes villes, c'est assez compliqué pour trouver vraiment des bonnes affaires. Ouais, tandis que Même là, si, c'est le contraire du coup. Pour les voitures, quand ouais, tu es dans une grande ville, bah, c'est là que tu c'est là où peux. tu peux vraiment faire du gros cash. Donc voilà, donc c'est vraiment la location de voitures entre particuliers, c'est top. Donc voilà, là, vous vous posez sûrement plein de questions. Et mettez un gros like là si vous nous entendez bien. Vous posez sûrement des questions. Ok, mais comment je fais? Parce qu'avec mon assurance, j'ai peur de prendre des malus et tout. Donc, tu as les réponses par rapport à ça. On va dire, ces objections classiques qui reviennent souvent, c'est ouais, mais il va m'envoyer ma voiture dans la balustrade. C'est mon assurance, je vais prendre un malus. Ça coûte cher, etc. Yes, Kevin, salut Kevin. Donc, est-ce que tu as des petites réponses Ouais, alors on va dire, je vais essayer de prendre les questions qui reviennent souvent. Typiquement, bah, comme tu dis, tout ce qui est au niveau d'assurance. Donc il faut savoir que les véhicules, quand ils sont loués sur ces plateformes, il y a une assurance 100% tout risque qui est prise le temps de la location. Donc le locataire paye une assurance tout risque. Donc s'il y a le moindre dégât sur le véhicule pendant la location, c'est assuré. Et donc, ce qui veut dire qu'il est assuré, donc vous, votre prime d'assurance va pas changer et ne sera pas du tout impactée parce que votre assurance perso ne saura pas du tout que vous avez eu un sinistre ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Après, sur la question de est-ce que les voitures reviennent complètement fracassées à chaque location, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Mais on va dire, typiquement, moi, j'ai fait plus de 1500 locations et j'ai eu que, on va dire, 5% de sinistres. Et ce que j'appelle sinistre, ça va être de la voiture qui part en épave à la petite rayure sur une aile ou sur la carrosserie. Et donc, vraiment, c'est assez minime dans ce business. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qui peut revenir souvent? Si, au niveau de l'entretien des véhicules, on dit oui, mais les locataires vont te dégueulasser la voiture. Non, pas la plupart du temps, les locataires sont assez respectueux. Mais oui, ça peut arriver que tu aies une voiture qui revienne complètement sale et tu peux mettre des pénalités et tu peux comme ça rattraper le coût et surtout le temps que tu vas passer pour nettoyer la voiture. Ok, donc pour résumer, l'investissement immobilier, ça reste bien évidemment quelque chose d'énorme et c'est un effet de levier énorme par rapport à ce genre de business. Par contre, pour diversifier, comme je dis toujours, il faut diversifier ces différents revenus afin de diluer ton risque. Alors voilà, l'avantage d'une voiture, c'est que demain tu regardes, après-demain, aller sur Wicar ou sur Drivee et t'encaisses du cash directement. Tu peux commencer par une petite voiture. Donc après, moi, je suis pas un pro par rapport à ça parce qu'il y a quand même. Alors, c'est assez simple à faire, mais c'est comme l'immobilier. C'est super simple à faire. Il faut pas faire des erreurs qui peuvent coûter relativement cher au final. Donc par rapport à ça, tu proposes quelque chose, tu proposes un accompagnement, on peut te retrouver comment quoi, si on veut se lancer mais qu'on a un peu peur d'y aller tout seul. Alors moi je propose donc de la formation sur ce business de location de voitures entre particuliers. En ce moment je suis en plein lancement. Damien, bah, tu n'hésiteras pas à mettre un lien en dessous de la vidéo. Yes. Et donc c'est vraiment un accompagnement sur 12 mois avec toute la partie théorique où il y a 12 heures de contenu vidéo pour aborder toute la théorie et tout ce qu'il faut savoir pour faire de la location de voiture et tout ce qu'il faut savoir en dehors des choses bateau que tout le monde peut connaître. Typiquement, comment acheter une voiture, mais comment acheter une voiture à un prix super avantageux, faire des bonnes affaires, comment trouver les bonnes affaires, comment bien faire en sorte que ça prenne pas énormément de temps à gérer. Et voilà, plein de grosses astuces là-dessus. Et voilà, donc c'est le programme Loueur Pro que je propose. Et voilà, si des gens sont intéressés, ou sinon, si vous avez juste des questions, bah, n'hésitez pas sur ma page Business Particulier, ou sinon, demandez à Damien et je serai heureux de répondre à vos questions. Ouais, je vous mettrai tous les liens de Romain en dessous de la vidéo. Juste une question, à partir de quel âge on peut commencer? C'est-à-dire, j'ai 18 ans, j'ai mon permis, ça marche ou il y a un âge minimum de détention du permis pour pouvoir faire ça? Alors, il y a pour commencer dans le business, oui, tu peux, t'as juste besoin du permis. Et après, en France, on a le permis à 18 ans, donc tu peux commencer à 18 ans. Après, par contre, pour louer une voiture, il y a des conditions de location et donc c'est 2 ans sur la majorité des plateformes. Mais après, j'ai justement dans les membres que j'accompagne, une ou deux personnes qui n'a pas le permis. Et justement, on est en train de voir pour trouver des solutions pour comment ces personnes peuvent se lancer dans ce business sans avoir le permis. Ok, super. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais être honnête avec vous. En plus, j'ai le bras qui commence à tétaniser. Donc, parce que là, j'ai pas pris ma perche. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais c'est vrai que ça reste un domaine qui est quand même. En fait, je pense que c'est assez simple de se lancer avec pour avoir une voiture, mais si on veut commencer à avoir 2, 3, 4 voitures, bon, Romain, il en a 21, c'est bien, je pense, de se faire accompagner pour pas. Je sais pas, vous verrez toute la description de l'information, mais ça va vous permettre de vous rassurer et de pouvoir surtout implémenter. C'est comme l'immobilier. C'est pour acheter une seule voiture, faites-le tout seul, vous pouvez vous tromper. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas d'en acheter qu'une, c'est d'implémenter. Et en 12 mois, je pense que on peut finir facilement avec 8, 9, 10 voitures. Donc ça, et Romain, il va vous expliquer. Donc je vous mets de la description en tout cas dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.